Chapitre 32. Le noir. Des étincelles dans les yeux, un tonnerre dans les oreilles, privée d'air, Ophélie ne voyait et n'entendait presque plus. Assis sur son dos, l'invisible l'écrasait de son poids tout en lui serrant la gorge d'une clé de bras. « Veuillez me pardonner. Pas une soie pour M. Archibald. » Ces murmures parvenaient à Ophélie à travers des kilomètres de brouillard. Elle connaissait cette voix, mais son champ de vision rétrécissait à la vitesse d'un obturateur photographique. Ophélie aurait fini par perdre prise avec le monde si l'air n'avait brusquement envahi ses poumons. Elle aspira, toussa, hoqueta. Pour une raison ou pour une autre, l'invisible avait relâché son étreinte, mais son corps continuait de peser sur le sien. Aidée de son bras valide, Ophélie tenta de basculer sur le côté pour déséquilibrer l'invisible, mais elle ne parvint qu'à tourner la tête. Ce qu'elle aperçut par-dessus son épaule lui permit au moins de comprendre ce qui l'avait sauvé. L'écharpe serrait le vide avec la gestuelle d'un boa constricteur. « Lâchez-moi, et elle vous lâchera !» promit Ophélie d'une voix enrouée. Ce chantage était peine perdue. À en juger par les tortillements de l'écharpe, l'invisible se débattait et ne tarderait pas à reprendre le dessus. Ophélie chercha une solution autour d'elle. Elle se trouvait trop loin de la plage pour appeler à l'aide, et il n'y avait pas de gardien de phare en été. Comment attirer l'attention de Renard et de Gaël vers la tête de la jetée? Elle avisa une cuve blanche à côté d'elle reliée à une ample trompe rouge, une corne de brume. L'écharpe commençait à se distendre, les mailles à se déformer, comme si des doigts tiraient furieusement sur le tricot. Ophélie étira son bras aussi loin et aussi haut qu'elle le put pour abaisser la vanne de la corne de brume. L'air comprimé de la cuve se libéra et fit vibrer le diaphragme de la trompe, mais la sirène ne retentit qu'une fraction de seconde. Une main transparente venait de s'écraser sur celle d'Ophélie. « Pourquoi m'obligez-vous à vous faire ça ?» souffla la voix familière en enroulant l'écharpe autour du cou d'Ophélie. « Cette chute dans l'escalier ne vous a donc pas suffi. Je ne suis pas un criminel. Il vous suffisait de quitter le pôle. J'aurais rempli ma mission et M. Archibald aurait été libéré comme convenu. Vous vous êtes condamné à mort toute seule. » L'écharpe luttait de toutes ses mailles pour ne pas étrangler sa maîtresse. Ophélie voulut frapper l'invisible, mais elle ne pouvait que battre l'air au hasard. L'oxygène lui manqua à nouveau. Alors qu'elle se croyait perdue, elle sentit un poids se jeter sur l'invisible et lui faire lâcher prise. Pour la deuxième fois, Ophélie eut l'impression de tousser ses poumons. Elle tira sur l'écharpe de façon à libérer sa gorge. Au milieu des points lumineux qui pétillaient devant ses yeux, elle finit par distinguer Renard. Il avait dû remonter la jetée au pas de course en entendant la corne de brume car il était à bout de souffle. Accroupi sur le sol, il frappait le vide avec rage. Son poing percutait les pavés 3 fois sur 4, mais quand il rencontrait l'invisible, celui-ci laissait échapper un grognement de douleur. Ophélie voulut aider Renard, mais ses jambes engourdies ne répondirent pas. Elle ne réussit qu'à lui lancer un râle étranglé. « Il va t'échapper !» cria Gaël, qui arrivait à son tour en pressant un point de côté. « Assomme-le !»« Et je fais comment ?» rugit Renard en balayant l'air de ses énormes mains. « Je sais même pas où elle est, sa caboche. Ouch !» Renard se plia en deux comme s'il venait de recevoir un violent coup en plein estomac. Andouille, qui s'agriffait jusque-là à ses cheveux, roula sur le sol en crachant. L'instant d'après, une silhouette surgit de néant. Un petit homme en redingote grise, essoufflé et contusionné, se plaquait contre le mur du phare. Ophélie eut du mal à reconnaître Philibert, le très respectable régisseur du clair de lune. Quand ce dernier s'aperçut que tous les regards convergeaient vers lui, il parut le premier étonné d'avoir perdu son voile d'invisibilité. Passé l'effet de surprise, Renard l'empoigna aussitôt par les revers de sa redingote et le souleva de terre. « Ce n'était pas suffisant de me laisser moisir aux oubliettes, papier mâché. Il fallait que vous vous en preniez aussi à ma petite demoiselle. Et depuis quand vous êtes un invisible, vous d'abord? On dirait que votre petit pouvoir est tombé en panne, hein ?» Philibert se débattit pour échapper à l'emprise de Renard, mais en perdant son camouflage, il avait aussi perdu l'avantage. Ophélie comprenait mieux à présent pourquoi cet homme lui avait toujours donné l'impression de se fondre dans le décor. À cet instant, il était méconnaissable. Sa perruque était complètement ébouriffée et ses yeux, si peu expressifs en temps normal, étincelaient de rage. « Tu m'as trahi !» siffla-t-il entre ses dents. « Pour une étrangère et un sans-pouvoir !» Ophélie ne comprit le sens de ses paroles qu'en voyant Gaël approcher. Le vent avait emporté sa casquette de mécanicienne et faisait tourbillonner ses boucles noires, comme s'il voulait dégager ce visage qu'elle s'efforçait continuellement de dissimuler. À cet instant, pourtant, Gaëlle ne se cachait plus. Elle avait ôté son monocle, révélant la vraie nature de son regard, un œil de nihiliste aussi noir, aussi insondable que l'autre œil était clair. Gaëlle fixait Philibert sans ciller. Tant qu'elle le tiendrait dans le viseur de son œil, son pouvoir annulerait le sien. « C'est toi qui nous as trahis !» déclara-t-elle gravement. « Depuis quand les étrangers et les sans-pouvoir sont-ils des ennemis? Si j'avais su ce que tu avais en tête, quand je t'ai vu prendre la petite enfilature, je t'aurais dénoncé plus tôt. Attendez, bredouilla Renard. J'ai raté quelque chose ? » Il n'en finissait plus de dévisager Gaëlle, allant de ses yeux hétérochromes au monocle qu'elle tenait entre deux doigts. Renard se mit alors à secouer Philibert, tout en lui louchant dessus, comme s'il voulait le forcer à redevenir invisible. Puis il expira un soupir excédé. « Je croyais que les nihilistes avaient tous cassé leur pipe. Ça, c'est bien ma veine. Des années que je la convoite, cette femme-là, et il fallait que ce soit une aristocrate. » Les joues de Gaëlle s'enflammèrent sous le coup de la gêne et de la colère. « Ne m'insulte pas, Reynold, et te mêle pas de ça. C'est une affaire, entre ce traître, la petite liseuse et moi. La mère ne nous a pas offert sa protection pour qu'on lui fasse honte. » dit Gaëlle en revenant à Philibert. « Tu as choisi de renier ton clan, il y a des années, et c'était ton droit. » Tu voulais une nouvelle vie, la mère t'en a donné une. Le passé au placard, tu te rappelles? Alors ressortir maintenant le pouvoir de ta famille pour régler tes comptes, ça, c'est inacceptable. Philibert avait cessé de se débattre. Il pendait maintenant comme un poids mort entre les puissantes mains de Renard et tenait ses yeux résolument baissés de façon à ne croiser le regard de personne. Son visage était déchiré par des émotions si contradictoires, rage, détresse, culpabilité et amertume, qu'il semblait réellement fait de papier. « La protection de la mère ne vaut rien, » dit-il d'une voix lugubre. « Elle n'a pas été capable de sauver mon jeune maître, et c'est lui ma nouvelle vie. Ce rendez-vous avec les sabliers noirs, tu sais aussi bien que moi ce que ça signifie. » Une ombre passa sur le visage de Gaëlle, et son œil bleu devint presque aussi obscur que l'autre. « C'était son choix, » maugréa-t-elle. « La mère est morte, comme elle a vécu. » Jusqu'au dernier moment, elle nous a protégés. Elle nous a abandonnés, la contredit sombrement Philibert. J'ai été obligé de me débrouiller seul. J'ai reçu une lettre hier. Monsieur Archibald sera libéré si je me débarrasse de cette liseuse. Une lettre ? Explosa Gaëlle. Tu étais prêt à tuer pour une lettre ? La tête d'Ophélie lui tournait tellement qu'elle avait toutes les peines du monde à suivre cette conversation, mais elle se sentit le devoir d'intervenir. Son coude lui envoya une décharge électrique quand elle essaya de se mettre debout. Elle ne parvint qu'à s'affaler sur le parapet, la respiration sifflante. « Ce maître chanteur. Affaire à lui. Moi aussi. » Ophélie inspira plusieurs fois pour retrouver un semblant de voix. Son nez se mit à couler, mais pas à cause du rhume cette fois. Il saignait abondamment. Même sa pauvre écharpe se traînait à ses pieds comme un animal blessé. Philibert n'y était vraiment pas allé de main morte. « L'auteur de cette lettre, » reprit Ophélie en appliquant sa manche contre son nez. « Si vous savez quoi que ce soit sur lui, parlez-en. »« Que se passe-t-il ici ?» Thorn venait d'apparaître au pied du phare dans un claquement de manteau noir. Il lui fallut une seconde pour photographier la scène du regard et une autre pour dégainer son pistolet. Il mit tour à tour en joue Gaëlle, Renard et Philibert. « Lequel d'entre eux vous a mise dans cet état ?» demanda-t-il à Ophélie. Il y avait quelque chose de dangereusement méthodique dans sa voix qui incita Ophélie à ne pas lui répondre trop vite. « Rangez d'abord votre pistolet, » proposa-t-elle, le nez dans sa manche. « Nous allons doux vous expliquer, Calbeban. » Ce fut le moment que choisit le troisième sablier pour ramener le baron Melchior à son point de départ. Le ministre se matérialisa au beau milieu de la scène, ce qui eut pour conséquence immédiate de couper le lien visuel entre Gaëlle et Philibert. Ce dernier profita de l'effet de surprise pour redevenir invisible entre les mains de Renard. « En voilà des manières, jeune dame !» s'indigna le baron Melchior. Gaëlle venait de le bousculer sans ménagement, mais il était trop tard. Renard ne tenait plus qu'une redingote grise. Abandonné par son propriétaire, elle avait aussitôt retrouvé son opacité. La nihiliste eut beau tourner son œil noir dans toutes les directions en poussant une bordée de jurons, Philibert ne réapparut nulle part. « C'est fichu !» lui dit Renard en jetant rageusement la redingote. « Soit il est caché, soit il est loin !»« De qui parlez-vous ? » demanda le baron Melchior de plus en plus interloqué. « Par mes moustaches !» Il venait de remarquer Ophélie, avachie sur son coin de parapet, les cheveux en bataille, les lunettes tordues et le menton barbouillé de sang. « C'était monsieur Philibert, » répondit-elle d'une voix éraillée, « le régisseur d'Archibald. »« Du barbarisme !» grimaça le baron Melchior. Il n'aurait pas employé un autre ton devant une illusion de mauvais goût. Ophélie se serait bien levée pour faire meilleure figure, mais il lui semblait que la jetée entière oscillait autour d'elle. Elle rembobina son écharpe qui se détricotait à vue d'œil et songea qu'elle devait avoir aussi piètre allure l'une que l'autre. « C'est lui, l'invisible, qui m'a poussée dans l'escalier, » dit-elle à l'intention de Thorn. « Sauf qu'il ne l'a pas fait au nom de son clan. Il est aussi victime d'un chantage. » Au bord de l'extinction de voix, elle toussa plusieurs fois dans sa manche. « Ça n'excuse pas ses actes, mais ça ne fait pas non plus de lui le seul coupable. » Ophélie avait espéré que ses explications inciteraient Thorn à rengainer son pistolet. S'il avait daigné baisser le canon vers le sol, il continuait de tenir l'arme à deux mains, prête à s'en servir à la première alerte. Ses yeux d'épervier ne cessaient de bondir d'un coin à l'autre de son champ de vision, comme si l'ennemi était partout à la fois. Son manteau et ses cheveux agités par le vent le faisaient paraître encore plus hagard. Ophélie songea que Thorn n'était pas ressorti indemne du non-lieu. « Gaël et Reynold m'ont sauvé la vie, » lui dit-elle. « Vous pouvez leur faire confiance. » Cette déclaration aurait été d'un meilleur effet si Gaël n'avait pas aussitôt détourné le regard pour échapper aux questions et Renard baissé le sien pour s'enfoncer dans un silence boudeur. Même Andouille ne mettait aucune bonne volonté, il se faisait furieusement les griffes sur le beau pantalon blanc du baron Melchior. Celui-ci n'y prêta pas attention. Il tira la chaîne de sa montre, puis il contempla le dirigeable autour duquel s'attroupaient de plus en plus de curieux à l'autre bout de la jetée. Le front plissé et les moustaches tombantes, le baron Melchior semblait profondément découragé. Ophélie vit ses doigts bagués trembler quand ils refermèrent le couvercle de sa montre. Lui aussi semblait avoir été secoué par le suicide inattendu de la mère Hildegarde. « Je crois que nous n'avons plus qu'à renoncer, » soupira-t-il en rangeant sa montre d'un geste fataliste. « Nous avons une confession écrite et pour le reste, il n'y a plus rien à faire. À moins... que vous n'ayez une suggestion, monsieur l'intendant ? » Thorn ne répondit pas. Il était entièrement sclérosé autour de la crosse du pistolet, les yeux ouverts en grand sur une puissante réflexion intérieure. Ophélie fronça les sourcils. Le Thorn qu'elle connaissait aurait déjà repris les choses en main, mis au point un nouveau plan d'action, distribué des ordres et des coups de téléphone. « Mademoiselle, la grande liseuse familiale ?» demanda alors le baron Melchior. « Une suggestion ?» Ophélie avait l'impression d'être en possession de presque toutes les pièces du puzzle. Si seulement sa tête avait voulu arrêter de tout piller un instant, elle aurait peut-être pu les assembler. « Je sais », déclara soudain Thorn. L'ombre d'un sourire, un sourire qui n'était ni une grimace ni un rictus, flottait sur ses lèvres, tandis qu'il examinait son pistolet avec application. « Ça m'aura pris du temps », poursuivit-il d'un ton posé. Mais je sais, enfin, ce qu'il faut faire. Non seulement Thorn avait recouvré son sang-froid, mais son corps entier semblait envahi par une détermination nouvelle. Ophélie aurait même juré qu'il venait de prendre quelques centimètres supplémentaires avant de réaliser qu'il avait simplement cessé de se voûter. « Vous savez vraiment ce qu'il faut faire ? » répéta-t-elle, pleine d'espoir. Lorsque Thorn se tourna vers elle, les sourcils arqués de satisfaction, Ophélie sut que ce n'était pas un effet de son imagination. Il souriait. Un sourire presque imperceptible, certes, mais un sourire tout de même. « Il me suffit de vous retirer de l'équation, » lui dit-il. Ophélie se leva sous le coup de l'émotion. L'instant d'après, le sol se mit à vaciller et tout devint noir.